Chapitre 37. Cependant, la revue continuait. Cette armée, dont le désordre m'avait offert un tableau si extraordinaire quelques heures auparavant, n'était pas moins bizarre sous les armes. C'était tantôt des troupes de nègres absolument nus, munis de massues, de tomahawks, de casse-têtes, marchant au son de la corne à bouquin comme les sauvages. Tantôt des bataillons de mulâtres, équipés à l'espagnol ou à l'anglaise, bien armés et bien disciplinés, réglant leurs pas sur le roulement d'un tambour. Puis des cohues de négresses, de négrillons, chargés de fourches et de broches, des fatras courbés sous de vieux fusils sans chien et sans canon, des griottes avec leur parure bariolée, des griots, effroyables de grimaces et de contorsions, chantant des airs incohérents sur la guitare, le tap-tam et le balafon. Cette étrange procession était de temps à autre coupée par des détachements hétérogènes de griffes, de marabouts, de sacatras, de mamelucos, de carterons, de sans-mêlés libres, ou par des hordes nomades de noirs marrons à l'attitude fière, aux carabines brillantes, traînant dans leurs rangs leurs cabrouets tout chargés ou quelques canons pris au blanc, qui leur servaient moins d'armes que de trophées, et hurlant à pleine voix les hymnes du camp du Grand Pré et d'Oinacé. Au-dessus de toutes ces têtes flottaient des drapeaux de toutes couleurs, de toutes devises, blancs, rouges, tricolores, fleurs de lysée, surmontés du bonnet de liberté, portant pour inscription « Mort aux prêtres et aux aristocrates, vive la religion, liberté, égalité, vive le roi, à bas la métropole, viva Espagna, plus de tyrans, etc. » Confusion frappante qui indiquait que toutes les forces des rebelles n'étaient qu'un amas de moyens sans but, et qu'en cette armée, il n'y avait pas moins de désordre dans les idées que dans les hommes. En passant tour à tour devant la grotte, les bandes inclinaient leurs bannières et Biassou rendait le salut. Il adressait à chaque troupe quelque réprimande ou quelque éloge, et chaque parole de sa bouche, sévère ou flatteuse, était recueillie par les siens avec un respect fanatique et une sorte de crainte superstitieuse. Ce flot de barbares et de sauvages passa enfin. J'avoue que la vue de tant de brigands, qui m'avaient distrait d'abord, finissait par me peser. Cependant, le jour tombait, et au moment où les derniers rangs défilèrent, le soleil ne jetait plus qu'une teinte de cuivre rouge sur le front granitique des montagnes de l'Orient. Chapitre 38. Biassou paraissait rêveur. Quand la revue fut terminée, qu'il eut donné ses derniers ordres et que tous les rebelles furent rentrés sous leurs agoupas, il m'adressa la parole. « Jeune homme, me dit-il, tu as pu juger à ton aise de mon génie et de ma puissance. Voici que l'heure est venue pour toi d'en aller rendre compte à Léogris. » Il n'a pas tenu à moi qu'elle ne vînt plus tôt, lui répondis-je froidement. « Tu as raison, répliqua Biassou. Il s'arrêta un moment comme pour épier les faits que produirait sur moi ce qu'il allait me dire, et il ajouta « Mais il ne tient qu'à toi qu'elle ne vienne pas. « Comment ? M'écriai-je étonné. Que veux-tu dire ? « Oui, continua Biassou, ta vie dépend de toi. Tu peux la sauver, si tu le veux. » Cet accès de clémence, le premier et le dernier sans doute que Biassou ait jamais eu, me parut un prodige. Lobby, surpris comme moi, s'était élancé du siège où il avait conservé si longtemps la même attitude extatique, à la mode des fakirs hindous. Il se plaça en face du généralissime et éleva la voix avec colère. « Que dice l'excellentissimo signor mariscal de campo ?»« Que dit le très excellent seigneur maréchal de camp ?»« Se souvient-il de ce qu'il m'a promis ?»« Il ne peut, ni lui ni le bon Jou, disposer maintenant de cette vie. Elle m'appartient. » En ce moment encore, à cet accent irrité, je crus me ressouvenir de ce maudit petit homme. Mais ce moment fut insaisissable, et aucune lumière n'en jaillit pour moi. Biassou se leva, sans s'émouvoir, parla bas un instant avec Lobby, lui montra le drapeau noir que j'avais remarqué, et après quelques mots échangés, le sorcier remua la tête de haut en bas et la releva de bas en haut, en signe d'adhésion. Tous deux reprirent leur place et leurs attitudes. « Écoute, » me dit alors le généralissime, en tirant de la poche de sa veste l'autre dépêche de Jean-François qu'il y avait déposée. « Nos affaires vont mal. Boukman vient de périr dans un combat. Les Blancs ont exterminé 2000 Noirs dans le district du cul-de-sac. Les colons continuent de se fortifier et de hérisser la plaine de postes militaires. Nous avons perdu, par notre faute, l'occasion de prendre le cap. Elle ne se représentera pas de longtemps. Du côté de l'Est, la route principale est coupée par une rivière. Les Blancs, afin d'en défendre le passage, y ont établi une batterie sur des pontons et ont formé sur chaque bord deux petits camps. Au sud, il y a une grande route qui traverse ce pays montueux appelé le Haut du Cap. Ils l'ont couverte de troupes et d'artillerie. La position est également fortifiée du côté de la terre par une bonne palissade, à laquelle tous les habitants ont travaillé, et l'on y a ajouté des chevaux de frise. Le cap est donc à l'abri de nos armes. Notre embuscade aux gorges de domptes mulâtres a manqué son effet. À tous nos échecs se joint la fièvre de Siam qui dépeuple le camp de Jean-François. En conséquence, le grand amiral de France. Nous avons déjà dit que Jean-François prenait ce titre. Pense, et nous partageons son avis, qu'il conviendrait de traiter avec le gouverneur Blanchelande et l'Assemblée coloniale. Voici la lettre que nous adressons à l'Assemblée à ce sujet. Écoute. Messieurs les députés, de grands malheurs ont affligé cette riche et importante colonie. Nous y avons été enveloppés et il ne nous reste plus rien à dire pour notre justification. Un jour, vous nous rendrez toute la justice que mérite notre position. Nous devons être compris dans l'amnistie générale que le roi Louis XVI a prononcée pour tous, indistinctement. Sinon, comme le roi d'Espagne est un bon roi, qui nous traite fort bien et nous témoigne des récompenses, nous continuerons de le servir avec zèle et dévouement. Nous voyons par la loi du 28 septembre 1791 que l'Assemblée nationale et le roi vous accordent de prononcer définitivement sur l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur. Nous défendrons les décrets de l'Assemblée nationale et les vôtres, revêtus des formalités requises jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Il serait même intéressant que vous déclariez, par un arrêté sanctionné de Monsieur le Général, que votre intention est de vous occuper du sort des esclaves. Sachant qu'ils sont l'objet de votre sollicitude, par leur chef, à qui vous feriez parvenir ce travail, ils seraient satisfaits, et l'équilibre rompu se rétablirait en peu de temps. Ne comptez pas cependant, messieurs les représentants, que nous consentions à nous armer pour les volontés des assemblées révolutionnaires. Nous sommes sujets de trois rois, le roi de Congo, maître né de tous les Noirs, le roi de France, qui représente nos pères, et le roi d'Espagne, qui représente nos mères. Ces trois rois sont les descendants de ceux qui, conduits par une étoile, ont été adorés l'homme-dieu. Si nous servions les assemblées, nous serions peut-être entraînés à faire la guerre contre nos frères, les sujets de ces trois rois, à qui nous avons promis fidélité. Et puis, nous ne savons ce qu'on entend par volonté de la nation, vu que depuis que le monde règne, nous n'avons exécuté que celle d'un roi. Le prince de France nous aime, celui d'Espagne ne cesse de nous secourir. Nous les aidons, ils nous aident, c'est la cause de l'humanité. Et d'ailleurs, ses majestés viendraient à nous manquer, que nous aurions bien vite trôné un roi. Telles sont nos intentions, moyennant quoi, nous consentirons à faire la paix. Signé Jean-François, général, Biassou, maréchal de camp, Després, Manzo, Toussaint, Aubert, commissaire ad hoc. Il paraîtrait que cette lettre, ridiculement caractéristique, fut en effet envoyée à l'Assemblée. « Tu vois !» ajouta Biassou après la lecture de cette pièce de diplomatie nègre, dont le souvenir s'est fixé mot pour mot dans ma tête. « Tu vois que nous sommes pacifiques. Or, voici ce que je veux de toi. Ni Jean-François, ni moi, n'avons été élevés dans les écoles des Blancs, où l'on apprend le beau langage. Nous savons nous battre, mais nous ne savons point écrire. Cependant, nous ne voulons pas qu'il reste rien dans notre lettre à l'Assemblée qui puisse exciter les bulérias orgueilleuses de nos anciens maîtres. Tu parais avoir appris cette science frivole qui nous manque. Corrige les fautes qui pourraient, dans notre dépêche, prêter à rire aux Blancs. À ce prix, je t'accorde la vie. » Il y avait dans ce rôle de correcteur des fautes d'orthographe diplomatique de Biassou quelque chose qui répugnait trop à ma fierté pour que je balançasse un moment. Et d'ailleurs, que me faisait la vie? Je refusai son offre. Il parut surpris. « Comment ? » s'écria-t-il. « Tu aimes mieux mourir que de redresser quelques traits de plume sur un morceau de parchemin ?»« Oui, » lui répondis-je. Ma résolution semblait l'embarrasser. Il me dit après un instant de rêverie, « Écoute bien, jeune fou, je suis moins obstiné que toi. Je te donne jusqu'à demain soir pour te décider à m'obéir. Demain, au coucher du soleil, tu seras ramené devant moi. Pense alors à me satisfaire. Adieu, la nuit porte conseil. Songes-y bien. Chez nous, la mort n'est pas seulement la mort. » Le sens de ces dernières paroles, accompagné d'un rire affreux, n'était pas équivoque, et les tourments que Biassou avait coutume d'inventer pour ses victimes achevaient de l'expliquer. « Candy, ramenez le prisonnier, » poursuivit Biassou. « Confiez-en la garde au noir du Morne Rouge. Je veux qu'il vive encore un tour de soleil, et mes autres soldats n'auraient peut-être pas la patience d'attendre que les 24 heures fussent écoulées. » Le mulâtre Candy, qui était le chef de sa garde, me fit lier les bras derrière le dos. Un soldat prit l'extrémité de la corde et nous sortîmes de la grotte. Chapitre 39. Quand les événements extraordinaires, les angoisses et les catastrophes viennent fondre tout à coup au milieu d'une vie heureuse et délicieusement uniforme, ces émotions inattendues, ces coups du sort, interrompent brusquement le sommeil de l'âme qui se reposait dans la monotonie de la prospérité. Cependant, le malheur qui arrive de cette manière ne semble pas un réveil, mais seulement un songe. Pour celui qui a toujours été heureux, le désespoir commence par la stupeur. L'adversité imprévue ressemble à la torpille. Elle secoue, mais engourdit. Et l'effrayante lumière qu'elle jette soudainement devant nos yeux n'est point le jour. Les hommes, les choses, les faits passent alors devant nous avec une physionomie en quelque sorte fantastique et se meuvent comme dans un rêve. Tout est changé dans l'horizon de notre vie, atmosphère et perspective. Mais il s'écoule un long temps avant que nos yeux aient perdu cette sorte d'image lumineuse du bonheur passé qui les suit. Et, s'interposant sans cesse entre eux et le sombre présent, en change la couleur et donne je ne sais quoi de faux à la réalité. Alors, tout ce qui est nous paraît impossible et absurde. Nous croyons à peine à notre propre existence, parce que, ne retrouvant rien autour de nous de ce qui composait notre être, nous ne comprenons pas comment tout cela aurait disparu sans nous entraîner. Et pourquoi de notre vie, il ne serait resté que nous? Si cette position violente de l'âme se prolonge, elle dérange l'équilibre de la pensée et devient folie. État peut-être heureux, dans lequel la vie n'est plus pour l'infortuné qu'une vision dont il est lui-même le fantôme. Chapitre 40. J'ignore, messieurs, pourquoi je vous expose ces idées. Ce ne sont point de celles que l'on comprend, ni que l'on fait comprendre.